Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en direct pour la dernière émission de la saison 2023-2024, avant l'habituelle pause estivale. Alors cependant, hein, comme depuis quelques années, tous les dimanches soirs, vous aurez quand même de la musique tendre sur les ondes du 93.6, parce qu'on va se préparer une petite spéciale voilà, qu'on diffusera tout au long du mois de juillet, et une deuxième spéciale qu'on diffusera tout au long du mois d'août. Petite rétrospective best-of de ce premier semestre écoulé. Plein de très très bonnes choses à s'écouter ce soir, et on aura un temps spécialement consacré au Ripfest qui aura lieu le week-end prochain à la salle Oesia de Notre-Dame-d'Oué. On va pas en parler tout de suite trop longtemps, puisque d'ici une petite demi-heure on va retrouver Émile qui nous en dira largement plus. Doublette d'ouverture de la plus fine des manières, tout d'abord les Brutas hollandaises de Severe Torture. 14 ans se sont écoulés depuis le précédent album studio Slaughtered. Là, ils nous sortent Turn from the Jaws of Death. On est toujours sur de la boucherie intégrale, cette espèce de gore brutal death, chirurgical et radical. Une sortie sur le label français Season of Mist. On s'écoutera le morceau Through Pain and Emptiness. Et en doublette, une valeur montante du hardcore plus venu des États-Unis, Candy. Le groupe nous sort là son nouvel effort studio. Clairement, un jeu de mots un peu pourri. Il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les chicots, comme dirait ce cher Julien de Benighted. Et pour le coup, Candy nous rappelle que les bonbons, première cause de chute de chicots chez les plus jeunes et les moins jeunes. It's Inside You, c'est le nom de leur troisième album studio. Une sortie Relapse Record, c'est pas rien. On s'écoutera le titre Face 9-1 et enchaîner la doublette, Terror Management. Les morceaux sont courts, ultra violents et ça bave bien comme il faut. Severe Torture Candy, ouverture de l'émission de ce soir. C'est parti, bienvenue à toutes et à tous. Yeah. On enchaîne avec la doublette suivante qui sera pas forcément plus tendre puisqu'on retrouve du Brutal Death avec du Hardcore. Cette fois on est sur une prog 100% US, Malignancy et Missing Link. Malignancy, le groupe de tech Brutal Death bien barré qui nous sort un nouvel effort studio Discontinued chez Willow Tip Records. On s'écoutera l'extrait Oppositional Defiance, plus de 30 ans que Malignancy nous sert sa recette toujours aussi inspirée un peu à l'approche d'un Cephalic Carnage. En doublette, Missing Link, deux morceaux, Another Cross et Crusade, extra album Watch Me Bleed, une sortie de Triple B, et c'est bien bien bien agacé également, c'est parti. Four. not despise the thief who steals to satisfy his starvation. That's in the Holy Bible, son. And I have starved for so very long. Ah bah je peux parler, trop bien, je suis à l'antenne. Ah puis évidemment, l'heure n'est pas à l'heure, sinon c'est pas drôle. 20h25 à la pendule de Radio Béton. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, la version en direct pour la dernière de la saison 2023-2024. Émile de Riposte Asso vient d'arriver, et donc on va pas trop perdre de temps, puisqu'il a encore du charbon à fournir derrière, pour prendre les dernières et précieuses infos concernant cette ultime édition du Ripfest. Déjà, je pense que tout le monde est globalement au courant sur le fait que ça se passe les 5 et 6 juillet 2024, le week-end prochain, à la salle Oesia de Notre-Dame-d'Oué, dans notre beau département de l'Indre-et-Loire. Et bonsoir Émile, et place aux infos avec présentation du line-up par exemple. Salut Damien, salut l'équipe. Présentation du line-up, ça va être relativement rapide, hein. Je sais pas par quoi tu veux qu'on commence d'ailleurs, vendredi, samedi, headliner, sous tête d'affiche. Vas-y, le jour par jour, le vendredi, du bas en haut, du haut en bas, comme tu veux. Eh bien, allez, on va commencer par le bas. Donc vendredi. Par la fronce d'en bas. Voilà, la fronce d'en bas. Alors, vendredi, on va ouvrir l'affiche par Sheol. Sheol, c'est un groupe qui performe dans un genre un peu metal beatdown. Ils viennent de Toulouse, c'est un groupe avec qui j'ai eu le plaisir de jouer par le passé, qui est trop peu méconnu je trouve à mon goût et qui mérite en tout cas toute son attention. Par la suite, la reformation des Strasbourgeois, enfin je ne sais pas comment on appelle les habitants de Colmar, parce qu'en fait ils viennent de Colmar. Les Colmariens. Les Colmariens, donc 6 Grams 8, donc qui officie dans un hardcore je dirais plutôt négatif dans musicalement, mais même si je trouve que ça s'y apparente moins dans les lyrics, metal hardcore on va dire, avec des clins d'œil un peu à la kickback, enfin en tout cas quand on entend le chant je trouve que ça se ressent pas mal. Par la suite, Beyond the Stick, je les présente pas. On enchaîne ensuite avec les Américains, le Foaming Mouth. Eux je sais pas d'où ils sont originaires exactement, aux États-Unis ils sont plutôt dans un registre qui évolue énormément en fonction des albums. On est sur un noyau dur hardcore sans mauvais jeu de mots, mais avec des accents crust, avec des accents metal qui sont quand même archi présents, voire death metal old school. Donc voilà, par la suite... Pour te couper, Foaming Mouth, Je trouve qu'ils ont vraiment gardé la première période de Balls Thrower, justement avec cette vibe un peu punk death, un peu crusty. Et en fait, ils en ont fait vraiment leur ligne éditoriale musicale. Voilà, c'est vraiment Balls Thrower de la première heure, parce que c'est du gros riffing death rouleau compresseur avec des intentions très hardcore crust. Voilà, pour situer un peu plus précisément peut-être la musique de Foaming Mouth. Merci Damien pour cet éclairage. Du coup, par la suite, Judiciary, donc on est sur un groupe de hardcore métallique ou metal hardcore, tout dépend des albums, je dirais. Le dernier est plutôt, je trouve, metal hardcore que hardcore metal. Donc, ils nous viennent tout droit du Texas. Et bon, c'est un groupe moi, que j'ai déjà vu plusieurs fois par le passé et vraiment une grosse claque à chaque fois que je peux les voir. Et là, disons que je suis impatient de voir comment va sonner ce nouvel album sur scène, surtout que c'est pas forcément mon préféré. Ça peut paraître bizarre, je suis quelqu'un de très transparent là-dessus, mais donc j'ai sélectionné des singles sur cet album. Je l'ai pas, c'est pas celui que j'ai le plus écouté. Par contre, hâte de, je pense qu'il y a une évolution de line-up. Hâte de voir comment celui-ci va vibrer en live. Et puis The Acacia Strain, qu'on ne présente, je dirais, pour les aficionados, quasiment pas. Moi, je les classifie de metal hardcore apocalyptique parce que c'est un groupe qui est très difficile, je trouve, à catégoriser. Il a été souvent catégorisé deathcore par défaut, mais n'a jamais véritablement, à mon sens, effectué du deathcore ni du metalcore. C'est toujours délicat, je dirais, quand on a un groupe qui a une identité aussi, comment dire, aussi hybride depuis ses origines, parce que je crois qu'on en est, on a dû dépasser, je crois, les 12 albums. On est au 12e album, je crois, parce qu'ils ont pas mal pondu pendant le Covid notamment. Et bah, faut une grosse fierté quoi de recevoir pour leur seulement troisième date française de cette tournée estivale, j'ai envie de dire, les Ténors, The Acacia Strain, à la maison. Voilà, il y aura une demi-tonne de barbacks sur scène, parce que les Icos, notamment le chanteur et les deux gratteux, sont physiquement très impressionnants. Même s'il a perdu beaucoup de poids, Vincent, quand même. Eh bah, ben putain. Il reste bien maousse, le garçon. Donc ça, c'est le vendredi 5 juillet, jour 1 du Ripfest. On se fait un petit break musical. Bah oui. Qu'est-ce que tu nous as prévu? Eh ben, justement, un petit morceau de The Acacia Strain pour illustrer cette première présentation du vendredi. J'ai choisi le morceau The Impaler, extrait de leur album Wormwood, qui était sorti en 2010. J'étais pas né, très bien. Et qui représente très très bien le style musical du groupe. Eh ben c'est parti, Acacia Strain qui headlinera, le vendredi soir du Ripfest, le week-end prochain, c'est parti. The world go round. We are the reason there is blood on the ground. Voilà donc pour la présentation détaillée et musicale du jour 1 du Ripfest. On continue le décortiquage de l'affiche avec... J'allais faire une vieille référence à Louane, mais je crois que je me suis perdu. Avec le jour 2. Le jour 2, donc samedi. Alors samedi, on va ouvrir donc avec Hooks and Bones, qui est un groupe, je dirais, très teinté, trash hardcore. Ils viennent de Rouen. C'est un groupe qui m'a été largement plébiscité par Verbal Razor, auquel, enfin, desquels je fais largement confiance. On avait diffusé la dernière sortie studio de Hooks and Bones, me semble-t-il. Ouais. Moi, c'est un groupe que je ne connais juste que de son. Et bien, hâte de les découvrir, je dirais, en vrai, en ouverture. Il paraît que c'est des bons vivants et hâte de voir ce qu'ils ont dans le ventre pour pouvoir lancer cette journée. Par la suite, c'est No More Waiting de Clermont-Ferrand. Donc, il y a un groupe qui officie plutôt dans une vague punk hardcore. C'est un groupe que je connais plus humainement, je dirais, qu'artistiquement parlant. Et qui a la particularité de jouer plus à l'étranger qu'en France. Alors, voilà, je trouve ça assez original quand même, démarche artistique. Et... Bon, en tout cas, ils ont accepté largement de se joindre à cette soirée. Et donc, un plaisir d'accueillir pour la troisième fois de l'histoire du festival un groupe clermontois. Par la suite, Fatal Move, qui nous viennent de Anvers, en Belgique. Fatal Move a joué, c'était au mois de fin octobre, si je ne dis pas de bêtises, au 37e parallèle. Donc, ça ne sera pas forcément une découverte pour ceux qui y étaient. En tout cas, ça le sera pour tous ceux qui ne les connaissent pas. Je dirais qu'ils performent davantage dans un style heavy hardcore. Voilà. Je trouve que c'est un groupe qui fait vraiment bien le taf sur scène, une signature Useless sur les deux derniers albums et EP. Et c'est aussi un groupe avec qui j'ai eu le plaisir de tourner, donc un plaisir de pouvoir les accueillir également ici même. Alors pour ceux qui souhaiteraient se situer un peu musicalement, je trouve qu'en termes de ref, alors peut-être parce que c'est des Belges, je trouve ça assez proche d'un Stab qu'on a vu sur la scène du RIP il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Oui. Voilà, le côté heavy metallic hardcore. Avec un seul chanteur. À la sauce belge. Avec un seul chanteur, quand même, pour le coup, parce que c'est vrai que Stab, il y a cette particularité. Ils sont là. Ouais. Là. Même si je trouve qu'il y a une cohérence pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a davantage de cohérence quand même entre les différents albums de Fatal Move. Stab, je trouve que d'un album à un autre, avec les changements de line-up, des fois, voilà, il y a des albums qu'on peut un peu moins apprécier que d'autres ou être surpris sur, je dirais, l'esthétique artistique. On enchaînera par la suite avec nos super locaux de Verbal Razor, ce qu'on ne présente quasiment plus, Trash Crossover, nouveau line-up depuis bientôt un an et demi, je pense que Gibus a rejoint le groupe au FU. Un vrai plaisir de pouvoir les faire jouer de nouveau au Ripfest, mais ça faisait quand même 7 années, enfin, si on compte que les 7 précédentes éditions hors Covid, qu'ils n'avaient pas joué au Ripfest, donc hâte de les voir en grosse config, parce qu'en fait c'est un groupe qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des petites configs, donc, et puis d'entendre aussi des nouveaux morceaux, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait au travail. Ensuite, nous enchaînerons avec Words of Concrete, un groupe qui joue très peu en France. On est là sur du beatdown pur et dur d'Allemagne de l'Est, négatif ou pas, ça dépend comment vous voyez les choses. Enfin, tout ce que je peux dire, c'est relativement bas du front dans le pit, donc que vous soyez positif ou négatif, attention, vous risquez de vous en prendre dans le front, et même peut-être ailleurs. Voilà, hâte de les voir, parce que pareil, c'est un groupe qu'on a vraiment voulu faire jouer plusieurs années d'affilée, et malheureusement ça ne s'est pas fait, des changements de line-up qui font que, voilà, quelques nouveaux titres, et puis surtout deux bêtes d'albums avant. Nous enchaînons par la suite avec Insanity Alert, donc là c'est un retour, groupe qui avait joué pour la deuxième édition du Ripfest. Depuis il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, 2 albums et un EP de sortie, puisque nous on était à l'époque le premier festival de France à les avoir fait jouer avant qu'ils explosent un petit peu partout, et c'est un véritable plaisir de pouvoir les réaccueillir avec leur trash crossover un peu déjanté, cartoonesque, je ne sais jamais trop exactement comment le qualifier. Nous enchaînons par la suite avec le haut de l'affiche, donc Knuckle Dust. Donc là, pas de blague, on est directement dans ce qu'on fait de mieux en hardcore. C'est une légende londonienne et anglaise du punk hardcore. Certains disent heavy hardcore, moi je trouve que punk hardcore, ça leur colle plutôt bien à la peau. Et c'est, alors nous, la première fois qu'on les fait jouer à Tours, Là, je fais appel à ta mémoire. Ils ont déjà joué à Tours par le passé. À La Riche, plus précisément, j'en parlais il y a quelques mois encore. C'était une vieille édition. Je suis même pas sûr que ça s'appelait comme ça déjà à l'époque. Alors, ou bien c'était les premiers temps, ou bien c'était l'ancêtre du Free Edge Fest, organisé notamment par Grand Franck. Ouais. Et Knuckle Dust était venu en Touraine il y a 18 ans. D'accord. Voilà. Ah bah putain, donc, ça fait... Deuxième passage pour Knuckle Dust. Et là, ouais, on est sur du groupe de légende. Vu encore l'année dernière au Super Bowl. Oui. Cette année au Super Bowl, on a vu Death Before Dishonored. C'est complètement la même vibe. Grosse patate, des morceaux ultra tubesques, du sing-along. Voilà, du début à la fin du set. Et gros groove, grosse énergie. Et ouais, il y a moyen que ce soit bien chouette comme show encore. Les Londoniens de Knuckle Dust. Puis je trouve que c'est un groupe aussi qui ne tourne pas assez presque en France. Bah, ils tournent peu, en fait. Ils se font des dates ici ou là, mais voilà, ils ont quand même quelques années au compteur, les gars. Ils enchaînent assez peu de vraies tournées. Ils vont se faire des week-enders, peut-être une semaine au max, mais sinon, on va les voir ici et là sur des événements parce qu'ils ont ouais, bien tous 50-55 ans facile. Ah ouais, tant que ça. Ouais, c'est des... Putain, j'ai perdu le nom de leur grand guitariste là, qui est complètement aux antipodes de leur chanteur, qui est un espèce de nanibus portoricain, mais leur grand gratteux, là, il doit faire 1m95, finger in the nose, et lui c'est un bon quinquagénaire. Ah ouais, bah très bien. Bon, en tout cas, je trouve qu'ils vieillissent bien. Enfin, ouais, bah, ça reste bien toujours musicalement ultra patate, que... et puis ils ont une banane sur scène. C'est super agréable à voir comme groupe. Complètement. Alors, par la suite, hein, donc, on grimpe hein, les échelons et donc on s'arrête sur Birds in Row. Alors, Birds in Row, c'est un groupe que j'avais vu il y a peu de temps au Bateau Yves. Je crois que c'était il y a un an et demi, c'était en début d'année. Disons que moi, même si je m'étais peut-être plus arrêté sur les premiers albums, je trouve que le dernier album a quand même un charme, peut-être plus post-punk et moins un brin moins noise et abrasif que les premiers, moins écorché peut-être. Mais j'ai été convaincu par leur prestation Bateau Ivre, le fait de mixer en fait ces univers qui vivent très bien en fait ensemble et hâte de les voir en grosse configuration. Je trouve que c'est un groupe qui parle véritablement à tout le monde et pas forcément aux fans de hardcore, aux fans de musique je dirais extrême et moins extrême également. Et hâte de pouvoir les voir jouer pour la première fois de notre histoire au Ribfest. Le dernier album, Griclin, est vraiment extra de chez Birds in Row. Et je pense que c'est un groupe qui est assez caméléon hein, en fonction des programmations sur lesquelles il se trouve. Mais là, en étant sur un festival majoritairement hardcore, je pense qu'ils sauront adapter leur setlist pour proposer vraiment les morceaux les plus brutaux. Et du coup, en allant chercher effectivement sur les albums un peu antérieurs. Eh bien, nous verrons ça là-bas. Sinon, pour finir cette édition assez fofolle quand même du Ribfest, faut le reconnaître, nous avons la chance de faire jouer un groupe que j'apprécie particulièrement, même tout autant je dirais que The Acacia Strain, Armsway. Donc Armsway, c'est un groupe qui nous vient de l'Illinois, plus particulièrement de Chicago, qui performe dans une... On va dire dans une sorte de metal hardcore, parce que mine de rien, en fait, Armsway, on retrouve l'énergie du hardcore, mais la technicité du metal en termes de composition, même s'ils vont aussi bien piocher dans le punk hardcore, dans le crust, certaines influences, je trouve quand même que c'est drôlement bien composé, monté, et c'est une sorte de machine qui vous roule dessus. On n'est pas sur le front ukraino-russe, mais quasiment. Et leur dernier album, je m'attendais à quelque chose de plus dans la mouvance de ce qu'ils avaient fait d'un point de vue peut-être qui sonne un peu plus indus. Et finalement, en fait, le dernier album passe comme une balle, quoi, comme un éclair. Et on revient à des choses assez... plus taillé peut-être pour le live, même s'il n'y a pas forcément de tube, je dirais, qui ressort, en tout cas à mon goût, de ce dernier album, contrairement au précédent. Moi, je suis un grand fan de la première heure, enfin, plus particulièrement de Isolation. Voilà, en tout cas, hâte de voir le set qu'ils nous réservent. J'espère qu'ils réserveront des anciens morceaux, justement, pour les fans de la première heure, comme je suis. Et hâte de voir ça, quoi. Et puis bon, il n'y a pas longtemps, Armsway, le chanteur, nous a bien révélé son amour pour le death metal le plus crado et noir qui soit avec son nouveau projet. Donc on sait qu'il est capable d'aller taper dans des registres vocaux ultra gutturaux. pour notre plus grand plaisir. Fin de la présentation de ce jour 2 du Ripfest qui aura lieu le week-end prochain. On va s'envoyer une petite illustration musicale avant de se pencher vers les infos utiles et pratiques. Bon, on va s'écouter justement un petit morceau de Armsway. Ah zut Le morceau Become a Machine, qui est extrait de l'album Posthuman, qui est sorti en 2018. Donc pour illustrer ce deuxième jour au Ripfest. Qui a une pochette dégueulasse d'ailleurs. C'est parti. Toujours à l'écoute de Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, il est 9h-10, on a pu démarrer ce soir à 20h, un petit bisou à Alex qui doit être en train de finir de se péter les reins sur un des gros événements qu'on a eu en Touraine ce week-end, retour du Freaky Mix dès qu'il aura du temps. Et ce qui nous a donc permis de démarrer plus tôt ce soir, parce que notamment nous accueillons Emile. Salut. Qui vient nous parler de la 8e édition du Ripfest, organisée toujours par Riposte Asso. Qui aura lieu donc pour sa 8e mouture le week-end prochain à la salle Oésia de Notre-Dame-d'Oé. On vient de se détailler l'affiche du vendredi et du samedi. On peut passer aux infos pratiques maintenant, tout ce qui est tarification, avantages diverses et variés, conditions d'accueil, etc. Ouais, alors c'est bien vaste. Niveau tarification, on va dire que jusqu'à jeudi soir, ça ne va pas bouger. On est sur un pass de jour à 49€. Alors ça, c'est assez notable. On avait été assez marqué au sein de l'équipe de l'émission quand les infos ont été démoulées. Ouais. T'es sur un tarif assez identique à celui des deux dernières années. On a un peu augmenté quand même. J'avoue, l'an dernier, je pense qu'on devait être plus proche du... C'était pas 45? C'était 47, je pense, sur place. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est peut-être un peu fou, hein, parce que on attend quand même une jauge importante. En même temps, les préventes sont là pour nous rassurer un petit peu dans ce sens-là. Tant mieux. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je vais rester pour l'instant sur les tarifs à proprement parler. Mais oui, donc on reste aux 49€ en vente sur Eloasso, en vente au Buck, en physique pour ceux qui ne veulent pas payer par carte ou sur Internet, et également à Street Art Family. Donc 49€ les deux jours, les passes sont disponibles là-bas. Sinon, si vous voulez un pass une journée, on est encore, je trouve, hyper accessible. Hein. 30€ le vendredi, 35€ le samedi. Mmh. Voilà, je trouve que ça reste hyper accessible pour les gens qui fréquentent cette scène-là. C'est sûr que bah, si vous ne connaissez aucun groupe à l'affiche, je peux comprendre que ça vous fasse un petit peu étrange. Voilà, sinon, concernant à proprement parler... Tu me parlais donc exposant, food, bar. Bien, donc au bar, comme chaque année, il y aura à boire pour toutes les soifs, aussi bien du sans-alcool que de l'alcool. On privilégie d'autant plus les brasseurs locaux, même si on aura une blanche qui nous vient de Namur, qu'on aura une pils qui nous vient d'Alsace. Le reste, ça sera local, ça sera Rochecorbon, ça sera la Touraine. Sauf pour le vin, où là on s'exporte du côté du Bordelais. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une question de rencontre. Et voilà, peut-être qu'un jour on travaillera avec des viticulteurs locaux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sinon, en food, une carte qui est déjà sortie sur les réseaux. Voilà, vous pouvez prendre vos billes, hein, tout simplement. Alors ça, c'est une info qui est non négligeable, effectivement. Beaucoup d'événements le font, je trouve ça ultra pratique. De savoir ce que tu vas pouvoir manger, de ce que tu vas pouvoir boire, c'est bien, mais surtout à quel tarif. Ça permet de te budgétiser un petit peu avant, sachant que vous êtes plutôt oui. confort sur le fait qu'on peut payer en cash oui. aussi bien qu'en carte, ouais. ce qui est plutôt pas mal quand on n'a pas les poches pleines de billets, mais qu'on a une CB bien rangée. Voilà, info non négligeable. Et il y a une nouveauté, vous faites une extension de bar cette année. Alors oui, c'est vrai, j'y suis pas venu, c'est vrai qu'on a un bar extérieur. Moi, je suis quelqu'un qui déteste attendre dans la vie. Même si je sais le faire, hein, je suis éducateur, donc la frustration est bien intégrée dans mon petit esprit. Mais c'est vrai que bon, quand j'ai soif, je n'ai pas particulièrement envie de faire la queue. Et je me suis dit, bah, dans les festivals, il y a des gens qui boivent essentiellement de la bière de soif. Et ben, on va leur donner la possibilité de prendre leur bière plus rapidement. Et donc, ce bar extérieur qui a vocation à permettre de désengorger le bar intérieur où se situeront toutes nos bières, tous nos alcools, tous nos softs. Et c'est vrai que sur ce bar extérieur, on sera essentiellement sur de la bière de soif et la bière du festival, la RIB, qui est brassée à Rochecorbon. Voilà, l'idée, c'est de désengorger et puis de permettre à chacun de s'y retrouver. Voilà, pour la food, du coup, donc, je rebondis, donc, c'est vrai que la carte est déjà disponible. C'est une carte quasiment intégralement bio. On essaye, même si la totalité ne l'est pas encore, en tout cas intégralement locale, du pain... je dirais quasiment à la sauce, tout est quasiment fait maison. Moi je tiens vraiment à tirer mon chapeau à cette équipe de 12 personnes voire 13 que sont la food, qui vont charbonner comme des fous pour vous faire pétiller les papilles durant tout ce week-end. Et également donc un food truck, là c'est nouveau, c'est qu'on est conscient qu'au vu du monde attendu, on ne pourra certainement pas répondre en temps et en heure à toutes vos demandes. Et donc l'idée aussi, c'est là encore de pouvoir soulager l'attente et puis également de répondre, même si dans notre carte, on a un sandwich avec du poulet, de pouvoir répondre bah, aux attentes peut-être un petit peu plus carnassières de festivaliers avec des pizzas qui auront de tout, quoi, tout simplement, dedans. Voilà, sinon niveau exposant, donc 6 exposants cette année qui vont du vêtement à la composition, comment dire, taxidermiste, en passant, ça peut paraître bizarre le grand écart, à l'association Hardcore Cares qui milite pour donc la protection animale, également un viticulteur et puis du CBD et je crois et une illustratrice, voilà. 6 stands, 6 ambiances complètement différentes et des artistes investis et adorables, j'ai envie de dire, tant artistiquement que humainement. Je pense avoir quasiment fait le tour, Damien, mais... Après, le lieu, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une salle super spacieuse, il y a un grand hall, il y a des chiottes en quantité... la salle est spacieuse elle-même, il y a possibilité de te retrouver dans le pit, il y a possibilité d'être en bordure, d'être derrière. La scène est à hauteur tout à fait agréable, aussi bien pour ceux qui veulent aller y faire des roues que bah voilà, quand on est un peu plus loin dans la salle pour vraiment tout apprécier au-dessus de la tête des gens. Un espace extérieur de mémoire plutôt généreux. Oui. De ce que j'ai vu au niveau de la météo, la première depuis des années, on devrait ne pas crever de chaud sur l'extérieur. On devrait être sur un 25 degrés ensoleillé. Très bien. Il y a le parking qui est attenant à la salle. Pas de camping. Possibilité cependant de dormir dans sa voiture ou de planter vite fait sa toile de tente en loose day. C'est ça. Entre deux bagnoles. La question se pose pas trop pour les camions aménagés puisque c'est un grand parking, quoi qu'il en soit. Vous avez un système également de sortie définitive à 21h, comme le Super Bowl. Voilà, parce que un bar, il faut que vous ayez quand même conscience que c'est. On parlait de la tarification tout à l'heure. On ne serait pas nous-mêmes gérant notre propre bar. On ne pourrait pas se permettre d'effectuer de tels tarifs. C'est plus de 50% des ressources d'un événement, hein, le bar, de toute façon. Faut se le dire. Ouverture le vendredi à 17h30. Clôture à 2h, 1h30, 2h, parce que j'ai vu que l'after il arrêtait à 1h30. 1h45, 2h, on va dire. Très bien. Le samedi, ça démarre à 14h30. Et ça finit à la même heure, 1h45 à peu près. Voilà. Un staff nombreux, présent, disponible pour accueillir tout le monde, pour ramasser les éclopés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en termes d'infos pratiques ? On aura une vigilance, je dirais, un peu plus accrue au VSS cette année avec donc notre équipe de sécu, voilà, qui sera tout ça, qui essaiera d'être encore plus vigilante que ce qu'elle n'est d'habitude. Voilà, ce qui peut se passer pour être à votre écoute si des personnes se sentent clairement victimes de violences sexistes ou sexuelles, pour pouvoir bien tout simplement agir comme ils savent le faire rapidement et de manière adaptée également. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Pour revenir en tout cas au tarif du pass, c'est quelque chose qui s'est largement mûri. Cette année, c'est vrai qu'on a mis en place un tarif Early Birds qu'avant on maintenait jusqu'au festival. Le tarif Early Birds, pour les moins anglophones, en fait c'est un tarif préférentiel qu'on a arrêté exactement, je crois, un mois avant le festival. Il se trouve que cette année ça a été formidable parce qu'on avait vendu déjà 100 passes de jour avant le festival. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, même les précédentes éditions, il faut le dire. Là on est quasiment à 200 passes de jour de vendus. On doit être plus proche d'une quarantaine, entre 30 et 40, ouais, je dirais, pour le pass vendredi. Et on a déjà dû, ouais, je pense, dépasser largement une soixantaine pour le samedi. Donc, moi, je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance, en particulier ces 65, parce que, oui, on tient des statistiques un petit peu, entre guillemets, macroniennes. Voilà. Mais en tout cas, véridique, et on a 65% de nouveaux festivaliers cette année, en tout cas, qui nous ont fait confiance sur cette affiche et qui viennent, pour certains même, d'extrêmement loin, parce qu'on parle de l'Alsace, on parle de la Belgique, et de voir des gens se déplacer finalement pour une ville qui, je dirais, a peu d'histoire, en tout cas sur la carte de France, en tout cas pour l'instant, je trouve ça complètement fou, parce que on n'est pas, comme je dis, on n'est pas Rennes, on joue pas en Ligue 1, on n'est pas Nantes, voilà, on est Tours et notre club est sur le point d'être tout simplement disloqué. Donc, merci à vous et merci aux locaux aussi de jouer le jeu, de soutenir et puis d'attendre aussi. Pour certains, on le sait, le dernier moment pour prendre sa place sur place, qui aura que 2 € de majoration, mais qui ne tomberont pas dans les poches de n'importe qui. On fait les choses avec notre cœur et on vous remercie grandement pour ce soutien, non pas inespéré, mais en tout cas... vivement attendu. Ouais. Comme quoi, un tarif attractif, une affiche attractive, c'est la recette qui fonctionne. Même si, je le dis et je le répète, 2 balles entre la prévente et le sur place... Oui. Un petit 5 €, ça aurait été pas mal. Pour histoire d'inciter encore plus les gens. Ouais. Mais bon, suis-je ? On prend la température. On verra si ça nous a donné tort ou raison. Mais en tout cas, pour l'instant, on espère entre 300 et 350 personnes dès le vendredi. Et j'aimerais bien qu'on flirte avec le 500 personnes le samedi. Quoi. Très bien, de la viande à cartonner. Je dis ça, il faut dire que j'arrive à me lever. On a fait le tour des infos. On va pouvoir se quitter là-dessus. Voilà. Un petit morceau pour finir. Qu'est-ce que tu nous as choisi? J'en avais encore prévu au moins 3. Donc On aura le plaisir de se les écouter pour la continuité. J'avais prévu un petit Judiciary, un, Voilà. Ouais, Judiciary, excellent souvenir sur scène. De la seule fois où je les ai vus, mais excellent souvenir. Merci Emile de ton temps. On Merci va te libérer ce que tu as encore des affiches à aller placarder, des murs à souiller. Ouais, en espérant ne pas me faire recouvrir par Jordan. Par exemple. Merci, et on se quitte sur cette illustration du Ripfest avec un morceau de Judiciary. Tu as pris quoi ? Puis bon, de toute façon, le hardcore et le Texas, c'est comme le Death et le Texas. Du dernier album, hein. J'ai choisi le morceau Engulfed. Voilà, un choix assez facile, extrait de Flesh plus Blood, qui est sorti l'année dernière chez Close Casket. Qui était quand même vachement chouette. Merci, allez, c'est parti. Salut. Bon bah du coup, comme on est en train de discuter hors antenne, on va s'envoyer un petit titre de Knuckle Dust qui remonte à 2005, parce que bah en fait on aime bien. Et puis bah juste après un petit Bird in Row qui date de... Et ben carrément s'enchaîner deux morceaux. Ouais, de 2012 en plus, c'est le morceau You, Me and the Violence. Tubesque. Ouais. Yeah. 21h bientôt 10 à la pendule de Radio Béton. On a fini de parler en long, en large, en travers du prochain Ripfest qui a lieu le week-end prochain à la salle Notre-Dame Oesia de Notre-Dame-d'Oué. On s'écoute un petit Al-Namroud avant de retrouver l'ami Thibaut pour le premier focus de l'émission de ce soir. Il y en aura 3. On va beaucoup parler ce soir, mais c'est parce qu'on a plein de qualités à présenter. Al-Namroud, le groupe de Black Folk d'Arabie Saoudite, groupe anti-coranique black metal. Ils nous sortent un nouvel effort studio à la Grab, belle discographie hein, déjà pour la formation d'Arabie Saoudite. Un nouveau vocaliste a intégré les rangs de la formation. Et on s'écoutera le morceau Abouab Edom. Et tout ça, c'est toujours dispo chez Shaitan Productions. Thank you. Allez, 21h bientôt 15 à la pendule de Radio Béton. Cette fois, c'est le moment, c'est ton heure, c'est ta gloire. Salut Thibaut. Salut. Tu viens donc nous présenter le premier focus dans l'émission de ce soir. Ouais. Ça va être un peu rampant. Un petit peu, ouais. C'est ça. Et encore, pas tant que ça. On va donc aux États-Unis pour du côté de Philadelphie, pour être exact, pour rencontrer Crypt Sermon. Alors, ils nous font globalement de l'Epic Doom. Clairement, on n'est pas très loin de Candlemass. On sent le spectre du groupe planer dans leur musique depuis les débuts, sans du tout faire un copier-coller de ce que propose Candlemass, mais quand même, il y a une inspiration qui est très présente. Et voilà, on sent que le groupe est ultra fan de ce projet et ça s'entend dans leur musique. Ils sont formés en 2013 et sortent donc un premier album en 2015, Out of the Garden. Il faut dire que tous les albums sont vraiment excellents du groupe. Celui-ci, il a un son un petit peu plus brut que ce qu'il propose aujourd'hui, mais ça donne, je trouve, une texture et une saveur bien particulière à l'album, avec un aspect, entre guillemets, plus doux, moins heavy que ce qu'ils vont faire dans les albums suivants. Mais voilà, c'est un excellent album. En 2019, ils sortent The Ruins of Fading Light. Et il s'appelle comment ? Ruins of Fading Light. Bien. C'est bon ? Ah, nickel. Sinon, tu te lèves, tu viens me le dire en face. Te faire foutre. Un album, donc, comme je disais, plus heavy, avec un son qui reste quand même dans la même veine que le précédent. Plus riche, mais qui perd, je trouve, un petit peu cet aspect doom que le premier peut avoir. Du coup, voilà, une petite préférence pour le premier. Et donc là, on arrive sur leur troisième album, The Stygian Rose. Un album, je vais y aller directement, je pense que c'est le plus mauvais de leur album. Et pourtant, je l'ai adoré. J'ai fait une première écoute de cet album, je l'ai trouvé excellent. Mais c'est pour moi... Après, j'ai gratté leur discographie, en fait, et je me suis rendu compte que c'était le moins bon de ce qu'ils avaient proposé. Ça reste un excellent album, mais voilà, il n'est pas, je trouve, à la hauteur des précédents. Je vais faire un petit aparté sur le line-up du groupe. On a trois membres en commun avec le projet qu'on a diffusé donc en 2022, Daeva, le groupe de Black Trash, qui avait un visuel assez marquant d'ailleurs sur leur album. C'était une excellente sortie de 2022. Et voilà, ils ont trois membres de ce groupe qui sont en commun avec le projet Daeva. Côté artwork, je trouve vraiment, vraiment réussi. Il est de la main de Brooks Wilson, alors c'est le chanteur du groupe. C'est lui qui signe les artworks depuis le début. C'est ça, c'est lui qui a fait tous les artworks depuis le début du groupe. Je trouve qu'il a une patte, il a un truc qui fonctionne super bien, et surtout avec la musique du projet. Et voilà, j'aime beaucoup son travail. Pardon, je tousse aussi. Un véritable hospice. Ouais, c'est compliqué ce soir. Hein. En tout cas, voilà, c'est toujours depuis le début un travail qui est très soigné. Et là, sur cet album, Crypt Sermon nous offre une nouvelle chose encore, une nouvelle approche dans leur musique. On est très très loin du doom guillemets chiant. Alors j'aime le doom chiant, hein, c'est pas le problème. Mais on est sur un doom qui est épique, qui est pas du tout répétitif et hypnotique. On est plus proche d'une bande-son d'un film d'heroic fantasy des années 80 que fondamentalement du doom qui est là pour fermer les yeux et être planant, pas du tout. Je trouve que le projet fonctionne très très bien, particulièrement avec le chant de Brooks Wilson. Je trouve qu'il a un chant qui transporte vraiment, il a beaucoup de variations, beaucoup de diversité. Je suis vraiment très très fan de ce qu'il propose dans son chant. Et on a une petite bande de claviers, alors qui n'est pas hyper présente, mais on a un claviériste dans le groupe. Et il propose vraiment quelque chose qui vient rajouter encore de la texture dans le son, sans être trop présent. Alors il a quelques moments de gloire dans l'album, où on entend vraiment un passage au clavier. Mais globalement, c'est une trame de fond qui donne juste un petit peu plus de texture, un petit peu plus de profondeur au son. Et je trouve que ça porte globalement également tout l'intérêt qu'a ce groupe. Après, tout le reste, y a pas grand-chose à dire. Il y a des leads ultra entraînantes, enfin, ça fonctionne super bien, des compos qui sont réussis à chaque fois. Et on a toujours ces petites alternances avec des changements de rythme, des changements d'ambiance, plein de choses qui enrichissent leur musique. Et c'est une claque du début à la fin, ce nouvel album, mais avant tout, toute la discographie du groupe, moi, qui m'a mis une branlée. Enfin, vraiment, j'ai écouté les albums les uns derrière les autres et je me suis dit, mais en fait, ils ont fait trois albums, trois pépites dans leur truc. Et tristement, celui que j'aime le moins, c'est le dernier qui vient de sortir. Ça m'a permis de découvrir deux pépites plus juste avant. Donc voilà, un album que j'ai vraiment kiffé de ouf. Et puis au niveau des thématiques, c'est assez rigolo, qui prennent un peu le... Alors on n'est pas sur du white metal, hein, mais c'est le thème très biblique, très axé religion, et plus appréciation de ce que la religion peut offrir, sans être forcément dans le prosélytisme. Plutôt que le côté justement anti-religion, même chamanique, sorcière, voilà, sword and sorcery, comme tu disais tout à l'heure, qu'on peut retrouver dans beaucoup de groupes de Doom. Et puisqu'il faut citer des références, donc effectivement Candlemass en tête parce qu'au-dessus il n'y a pas. Dans les formations Riken, on a bien évidemment les Solitudes de l'Eternus, Smolder, oui, plus récemment, dire, que j'aime vraiment très très fort. Et pareil, plus récemment, Spirit Adrift. C'est voilà, dans ces écuries-là que vous allez retrouver les très bonnes sauces autour de Crypt Sermon. En seulement 10 ans de carrière, le groupe est devenu vraiment major sur cette scène américaine et internationale. Au niveau de la diff, On va s'écouter un petit morceau. Alors, un petit morceau, sachant que les titres sont généreux, hein, bien évidemment. Je regardais, il n'y a que le premier album qui dépasse les 50 minutes de musique. Sinon, sur le 2 et le 3ème, on est autour d'une 40-45 minutes de son. Les morceaux font entre 5 et 11 minutes. Voilà, ça prend vraiment le temps, mais effectivement, on n'est pas forcément sur le doom placide. Il y a vraiment cette dimension épique, justement, encore une fois, qu'on peut apprécier chez Smolder, chez Candlemass en particulier. Et ça apporte quelque chose de... vivant dans le... C'est un... vraiment pour les avoir vus en l'occurrence Candlemass, parce que je les ai vus en live. Même en live, t'es hypnotisé, non pas au sens doom, mais au sens de ce qui se passe sur scène. Tu te laisses entraîner par des sur mélodies sur le dynamisme global. Ouais, tout à fait. Une sortie Dark Descent, The Stygian Rose, le nouvel effort studio de Crypt Sermon en focus. Et on s'écoutera le morceau Thunder Perfect Mind. Pourquoi ce morceau? Celui que j'ai préféré de l'album, tout simplement. Et voilà, c'est tout simple, c'est parti. We'll be right back. come alone.